Mon amour m'a laissé choir l'autre jour à Rochechouart. Elle n'a pas desserré la mâchoire, elle a juste agité son mouchoir. Et voilà pour notre histoire. Je veux quitter Rochechouart, je ne dessine plus au pochoir. Chaque jour, je ne fais que des choirs. Je suis tombé du haut de mon perchoir, le mot fin sur notre histoire. Je veux que tu reviennes me chercher dans la haute Vienne. Mon cœur est tombé tout blême dans le trou de l'astroblème. Mon amour m'a laissé choir l'autre jour à Rochechouart. Elle a acheté mon cœur dans un crachoir, dans le gouffre du trou de Rochechouart. Elle l'a cassé notre histoire. Et ma vie à Rochechouart va bientôt sans doute échoir, si la mort au sinistre juchoir nous poursuit avec son grand hachoir. Moi j'y crois à ces histoires. Je veux que tu reviennes me chercher dans la haute Vienne. Mon cœur est tombé tout blême dans le trou de l'astroblème. J'ai perdu un Rochechouart, notre amour dans son nichoir, qui couvait dans un petit mouchoir que j'avais taillé à l'ébauchoir. Morte dans l'œuf, notre histoire. J'ai mis mon cœur sur le séchoir, sur le fil de Rochechouart, pour qu'il sèche, ne me laisse pas choir, pour qu'il sèche, ne me laisse pas ce soir. Et reprenons notre histoire. Je veux que tu reviennes me chercher dans la haute Vienne. Mon cœur est tombé tout blême dans le trou de l'astroblème.